puissant, tu crois pouvoir avoir tout. Moi ton âge, je voulais juste monter au deux, vendre l'auto. Coupe espagnol, tu pensais à te faire des trades à force de chercher la merde, c'est sur le carreau que tu vas aller. À l'époque, t'étais calme, là où tu connaissais pas. Tes potes ils sont pour rien, t'as voulu goûter au trépas. Tu veux connaître la chica, pourtant t'as la plus belle des vies. Ton père et ta daronne, ensemble réunis, et ça te suffit pas. Je te dis que la vérité, t'es qu'un sale tarba qui prend les meufs juste pour baiser, ça blesse hein. Comme ça t'en as blessé plus d'un. T'aimes pas la vérité, alors assume, tu vas trop loin. Je m'entends parler du rap, tu veux être un grand, commence déjà par avoir une bonne qualité d'enregistrement. Tu peux réussir, ça je te le garantis. Mais vu comment t'es parti à parler de ton passé, l'époque avec Valtier, les gens s'en prennent de savoir où t'étais. Ce qu'ils veulent c'est du lourd à rendre leurs oreilles sourds. Réfléchis mieux tes textes, rap comme rap à plec. Entraîne-toi au freestyle pour faire connaître sur net. Ça n'est maintenant c'est quoi, tu dois changer. Non, non, je t'ai regardé, sale bâtard, t'as plus qu'à t'éclipser, toi. Non. T'as fait le bâtard, non, t'es ça, mais maintenant c'est quoi, tu dois changer. Non, non, non, je t'ai regardé, sale bâtard, t'as plus qu'à t'éclipser, toi. Mais écoute. Tu veux que je te fasse mal, je parlais de ta famille. Ton grand frère est parti, t'as laissé en plan alors que t'avais besoin de lui. Ton père t'a soutenu, sous ses coups t'as tenu. Le squat tu te rappelles, t'es parti avec le Samu. Tu vas trop loin, stop tes conneries. Charlie ressaisis-toi, sérieux pense à ta famille. De la tienne, on n'a plus rien à foutre de toi. Ne dis pas que c'est à cause de vous, 3 ans d'écart, car c'est pas. Tu joues avec elle à la play, ça c'est du passé. Ta petite soeur te regarde pas. Que quand y'a tes potes, qu'elle veut que tu l'embrasses. Je te blesse comme t'en as blessé tant d'autres sale bâtard. Je si tout va mal, c'est une pour ta faute. Pour ta faute, putain je regrette. Putain je regrette. Putain je regrette. C'est cool. T'en veux encore? Tu veux que je te blesse encore? Écoute. Attends, j'ai pas fini. Tu te rappelles d'elle? Oui, elle. Qui t'a fait du mal, qui voulait juste qu'elle, bah elle t'aimait pas. S'est servi de toi, comme de plein d'autres sûrement. Toi t'étais mal, t'as envoyé chez ta maman. Tes parents t'aiment, Charlie parle leur. Pour eux t'es clean, t'es même pas un dealer. Imagine ta mère, comment elle doit souffrir. T'aurais dû voir sa tête, quand elle a trouvé ton bouddhiste. Tu lui fais du mal, putain t'es vraiment con. Lâche le dos à la tâche pendant que tu lui piques des sous. Plus de 80 balles, tu vas lui rendre comment? Charlie reprends-toi. Et suis le bon chemin. Tu veux que je te parle de quoi maintenant? De ton présent. Il est mort. Tu sèches les cours. Même là t'es en train. Tu te calmes sur toi-même. Tu veux éviter la prison ferme. Et t'es qu'une balle trinque. Je sais. Tire-toi une balle. Tu te tires avec un flingue. J'en ai combien DS? 3. Pourquoi t'es pas mort? Tes parents le savent. Tu leur avoues même pas. Sale merde. Ouais. Je te blesse comme t'en as blessé tant d'autres. J'ai fini de te dire tes vérités. Ressaisis-toi. Parce que là tu fais trop pire. Là, tu fais trop pire.